C'est bien, Léa. Nadir. Oui, tu m'as vu. Qu'est-ce que tu m'as vu? Bien sûr, Anisma, l'organisme. Très bien. Est-ce que tu as coutumé à la basse ou là? Non, tu as retard, c'est normal.